Chapitre 3e. D'où vient l'argent ? Robert et Raoul se tenaient dans le bureau qui fut autrefois le cabinet du banquier Montreuil, leur père. La banque, naturellement, n'avait pas cessé son fonctionnement depuis la mort du banquier. Mais ni Robert ni Raoul, ne se sentant l'un et l'autre la moindre disposition pour la finance, n'avaient voulu en prendre la direction. La banque Montreuil allait passer en d'autres mains, fusionner avec une autre maison. Maître Béjanet s'occupait de régler cette affaire. Mais en attendant, les deux frères avaient chargé M. Brunel, le chef de la comptabilité, de reconstituer les dossiers trouvés dans le coffre du banquier et dont lui, qui cependant, en tant que chef de la comptabilité et du contentieux, aurait dû avoir au moins connaissance, ignorait totalement l'existence. C'était un travail long et délicat. Depuis quelques jours seulement, M. Brunel avait pu l'entreprendre. Les scellés apposés le lendemain du crime venaient à peine d'être levés. Les deux frères avaient prié M. Brunel de s'occuper tout d'abord du dossier de M. Laurent. Ce dernier, on s'en souvient, était le seul qu'on avait trouvé en désordre parmi les dossiers admirablement tenus, méticuleusement rangés, qui garnissaient les rayons du coffre-fort du banquier. M. Brunel, ayant fort avancé son travail, pouvait dès maintenant donner quelques indications aux deux frères. Ils étaient donc venus le trouver dans le bureau du banquier, leur père, et ils s'apprêtaient à écouter ses explications. « J'ai vérifié le dossier Laurent, comme vous me l'avez demandé, » dit le chef comptable. « Je l'ai remis en ordre autant que possible. J'ai dû en quelque sorte le reconstituer. »« Nous vous remercions, monsieur Brunel. Vous avez accepté une tâche lourde et difficile. Vous êtes notre collaborateur le plus précieux. Cette reconstitution a dû vous demander beaucoup de temps et un gros travail. » « Assez, messieurs, assez, car vous le savez, le jour fatal où s'est commis l'odieux attentat contre M. Montreuil, le coffre-fort de M. votre père a été pillé par des mains aussi habiles que criminelles. Oui. Il m'est absolument impossible de dire quelle somme d'argent a été dérobée, n'ayant trouvé aucune fiche, aucun reçu. Cela n'a aucune importance pour ce que nous voulons faire maintenant, dit Raoul. Nous voulons savoir ce que sont ces dossiers secrets. Nous voulons savoir pourquoi ils ne passaient pas par vos mains, comme ils auraient dû régulièrement le faire. J'ai bien compris votre désir, messieurs. Ainsi, grâce à votre obligeance, à votre habileté, vous avez rétabli le dossier Laurent. Oui, messieurs, le voici à peu près au complet et avec la notice permettant de le compléter. Parfait. Je dois vous dire tout d'abord que voici une note concernant deux effets de 10 000 francs et de 15 000. Qui se trouvaient à recouvrer ces jours-ci. Ah, ces effets ont été payés. La situation de M. Laurent est nette ? Pas encore, messieurs. D'après le relevé que j'ai opéré, M. Laurent a payé à M. Montreuil en divers versements une somme d'environ 400 000 francs. Or, en réalité, M. Laurent, d'après les fiches de M. Montreuil, M. Laurent, qui doit encore beaucoup, n'a reçu effectivement que... Le chef de la comptabilité hésita. Il regarda les deux frères avec inquiétude, n'osant achever. « Continuez, mon cher Brunel, » dit Raoul. « Nous sommes ici pour tout apprendre, pour tout voir, pour tout réparer surtout. »« Bien, messieurs. Donc, M. Laurent n'a reçu en vérité de M. Montreuil qu'une somme de 50 000 francs. Et il a dû 400 000 francs. » Les deux frères échangèrent un douloureux regard, puis ils firent signe à M. Brunel de continuer. Voici comment opérait M. Montreuil avec M. Laurent et avec presque tous ses clients, dit le chef de la comptabilité. J'ai pu facilement l'établir. M. Montreuil prêtait une première somme, en retenant toutefois l'intérêt d'un an à 3%. C'est un taux légal, habituel, oui, mais M. Montreuil ne consentait jamais de prêt pour plus de 3 mois. Oh, cela fait du 12%. Quand le client se libérait, c'était bien. Il ne payait en somme que l'intérêt d'un argent avancé dans des conditions spéciales, convenues et arrêtées. S'il ne payait pas, M. Montreuil accordait un renouvellement si le client pouvait le supporter. Et pour ce renouvellement, M. Montreuil doublait le taux d'intérêt. Mais après plusieurs renouvellements, le taux devait être tel qu'il devenait impossible, et qu'en justice... Pardon, M. Montreuil l'établissait toujours à 3%. Comment cela ? M. Montreuil ajoutait au nouveau billet souscrit la somme des intérêts dus comme capital prêté, plus le montant des intérêts nouveaux au nouveau taux. C'est de l'usure épouvantable. Or, M. Montreuil ne dépassait jamais 4 renouvellements, ce qui faisait aux yeux des clients un prêt à 12%. Taux encore acceptable dans des circonstances difficiles et spéciales avec des clients sujets à caution. Et si au bout de ces 4 renouvellements, le client ne payait pas, les billets allaient chez Maître Grillard, l'huissier, qui faisait le nécessaire impitoyablement. C'était la saisie, la vente. Quand la vente était bonne, c'est-à-dire quand le magasin, l'usine, la ferme, le château valaient beaucoup plus que les enchères ne donneraient, M. Montreuil faisait acheter par un homme à lui et il établissait une nouvelle spéculation sur une vente ultérieure. C'est odieux. Cela peut, hélas, messieurs, vous donner une idée des malheurs, des ruines, des morts, qui eurent pour origine un emprunt fait dans ce bureau. Oh, je vous demande pardon, messieurs, d'avoir dit cela, mais en établissant ces dossiers, je tremblais, je frémissais, et j'avais pour vous grande peine et grande pitié. Nous vous avons prié, monsieur Brunel, de faire ce travail, comptant sur votre loyauté, sur votre conscience. Vous devez tout nous dire, et nous devons tout apprendre. Continuez. Parmi les clients de M. Montreuil, j'ai trouvé le nom de personnes appartenant à tous les mondes. J'ai trouvé des noms inattendus qu'on ne soupçonnerait même pas, des illustres même, des gens qui, comme cela peut arriver, eurent un moment de gêne et s'adressèrent à leur ami M. Montreuil, homme du monde également, charmant et prévenant, avec lequel ils étaient en bonne relation mondaine, chez qui ils étaient admirablement reçus. C'est épouvantable. Les deux frères douloureusement alors se dirent: nous comprenons maintenant pourquoi personne des amis de la maison ne suivit le cercueil de notre père. Nous comprenons, hélas, nous comprenons. Puis, après un douloureux moment de silence, Raoul dit encore au chef de la comptabilité: revenons à M. Laurent. M. Laurent, dit M. Brunel, comme les pièces du dossier l'établissent, fit un emprunt de 50 000 francs qui, par la combinaison des taux que vous connaissez, se monte à près de 500 000 francs. Le malheureux. M. Laurent fut, comme quelques autres, favorisé, c'est-à-dire que Maître Grillard ne se présenta pas chez lui à l'époque habituelle. M. Montreuil consentit à diviser ses créances, à les reporter, mais avec la garantie de M. Billemont, père de Mme Laurent et très riche propriétaire. Nous savons. Or, M. Billemont n'a jamais voulu endosser les billets de son gendre avec qui il était brouillé, ce que n'ignorait pas M. Montreuil, qui accepta cependant et tint pour valable la fausse signature que portaient les nouveaux billets de M. Laurent. Nous voyons la raison. Aujourd'hui, M. Laurent est sous la menace d'une arrestation pour faux et pour vol s'il ne paye pas. Donc, M. Brunel, vous allez, pour M. Laurent comme pour les autres clients, établir comme avoir ce qui lui est réclamé comme dû. Vous tiendrez la somme à sa disposition. Le chef de la comptabilité dit alors aux deux frères: me permettrez-vous, messieurs, de vous faire une observation que mon âge, mon habitude de ce genre d'affaires, que mon long séjour dans cette maison et mon affection pour vous autorisent? Dites, monsieur Brunel. Si j'ai bien compris votre désir, vous voulez rendre au client de monsieur Montreuil l'argent gagné dans des conditions que, dites, l'argent pris. Puisqu'il s'agit de notre père, nous n'osons dire argent volé, mais les mots ne font rien. Il n'y a qu'un fait acceptable pour nous, la réparation des dommages causés autant qu'il sera maintenant en notre pouvoir. Bien, messieurs, cependant je dois vous dire que vous courez à la ruine. Mais nous sortons du déshonneur. M. Brunel s'inclina. Cet argent, reprit Raoul, ne nous appartient pas. Nous devons le rendre. Ce que nous vous demandons maintenant, M. Brunel, c'est de nous aider à retrouver ceux à qui il appartient et à le leur rembourser avec la plus grande diligence possible et la plus grande discrétion. Cela nous sera assez facile par nos propres moyens, avec l'aide de Maître Béjanet, le notaire chez qui les actes de vente et d'achat de propriété étaient passés, et surtout avec l'aide de Maître Grillard, l'huissier qui fit les poursuites. Vous avez convoqué Maître Grillard comme nous vous en avions prié? Maître Grillard m'a fait répondre qu'il se tenait à votre disposition. Parfait. Les deux frères examinèrent encore quelques dossiers avec M. Brunel. Ils avaient commencé ce qu'ils appelaient leur œuvre de restitution, de réparation. De cette fortune colossale, de cet argent ramassé de la sorte, ils ne voulaient rien garder. Ils entendaient réhabiliter leur nom, racheter la mémoire de leur père, ne rien laisser qui pût amoindrir l'estime que leur talent, leur travail méritaient et que déjà ils avaient su conquérir. Pour pour cela, bien qu'avec une douleur extrême, ils s'étaient résignés tous deux à fouiller dans la vie de leur père. Ils avaient décidé de faire les sacrifices nécessaires, de rendre tout l'argent dont l'origine leur semblait douteuse. Comme le leur disait M. Brunel, ils couraient à la ruine, mais cela ne devait pas une seconde les arrêter dans leur ferme résolution. Jusqu'ici, ils professaient pour leur père un amour filial des plus grands, des plus profonds, et une vénération absolue. Ils voyaient en lui non seulement le meilleur des pères, mais un homme de la plus haute intelligence, un des financiers les plus remarquables, et ils le tenaient pour un homme d'honneur des plus scrupuleux. Grande, déchirante fut, nous l'avons vu pour eux, la constatation de ce vide qui se fit autour du cercueil de celui qu'ils croyaient devoir être accompagné jusqu'à sa dernière demeure par une foule d'amis, un cortège nombreux et ému. Ce problème pénible les inquiéta, ils en cherchèrent vainement la raison. Ils firent toutes les suppositions possibles, mais pas une seconde, ils ne pensèrent que la vérité était celle qui maintenant, avec des preuves irréfutables, s'étalait devant leurs yeux désolés.